Vous écoutez France Culture. Deuxième temps d'une semaine raccourcie de la Fabrique de l'Histoire consacrée à quelques aspects de l'histoire européenne, alors que d'autres émissions de France Culture, comme Les Matins, Hier ou Jeudi, ou Culture Monde, toute la semaine, s'intéressent à l'actualité de cette même Europe. Hier, nous vous avons proposé un documentaire de Séverine Yatar et Séverine Cassard sur les traités de Rome en 1957, et demain, nous évoquerons le rapport de l'Europe médiévale à la chrétienté. Et aujourd'hui, à 200 ans du débarquement de l'île d'Elbe, nous allons nous interroger sur la vision européenne de Napoléon. Avait-il une vision de l'Europe issue de la Révolution française ou encore une vision de l'Europe issue de ses conquêtes militaires? Quelle Europe a-t-il laissé derrière lui? Quelles étaient les autres visions de l'Europe? Celle du tsar Alexandre Ier, par exemple, grand vainqueur de 1814. C'est ce que nous verrons avec nos quatre invités. Marie-Pierre Rey, elle est professeure d'histoire russe à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle est auteure récente d'un livre qui vient de paraître chez Flammarion, 1814, un tsar à Paris. Alain Forest sera avec nous depuis les studios de Radio France à Avignon. Il est professeur émérite en histoire moderne à l'université de York et il vient de publier aux éditions Vendémiaire, Au service de l'Empereur, un livre qui revient sur tous ces soldats et les lettres de soldats envoyées par les soldats donc de la Grande Armée en particulier au moment des conquêtes et également de la défaite de Napoléon. Bénédicte Savoie est avec nous en duplex depuis Berlin. Elle est professeure d'histoire de l'art à l'université de Berlin. Elle était à l'origine de la grande exposition Traum und Trauma sur l'impact de Napoléon en Europe. C'était il y a plusieurs années à Bonn et Luigi Massimiliorini, grand biographe de Napoléon, sera également avec nous. Nous l'avons enregistré il y a quelques jours à Paris. Il est 9h08 sur France Culture. Nous attendons Marie-Pierre Rey qui ne saurait tarder. Elle est perdue dans un embouteillage momentanément, mais nous avons avec nous Alain Forest. Bonjour Alain Forest. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Bénédicte Savoie. Bonjour Bénédicte Savoie. Bonjour. Depuis Berlin. Alors Bénédicte Savoie, je disais à l'instant même que vous étiez à l'origine de cette exposition de Bonn, qu'on a d'ailleurs connue dans une version remaniée à Paris il y a quelques temps, au musée de l'armée, de cette exposition de Bonn qui faisait une sorte de point, pourrait-on dire, sur l'impact qu'avait eu la personnalité et les actes de Napoléon dans l'Europe du début du 19e siècle, une exposition qui s'appelait Traum und Trauma, donc le rêve et quoi, le cauchemar. Comment peut-on traduire en allemand ce Traum und Trauma? Le rêve et la blessure, rêve et le cauchemar, le rêve et l'horreur. Voilà, et donc avec cette ambiguïté justement de cette figure de Napoléon, alors vous évoquiez beaucoup dans cette exposition le regard qu'il avait pu porter sur l'Europe, un regard un peu prédateur. Je me souviens bien de ces parties d'exposition à Bonn où vous montriez ce grand projet des grandes archives, en particulier les archives qui allaient permettre à la France de récupérer les archives des provinces conquises en particulier. On avait une section en effet qui s'intitulait « Les objets du désir » et qui montrait comment Napoléon et surtout ses conseillers avaient projeté de réunir non seulement les archives de l'Europe, c'était le grand projet de recherche, c'est le grand projet de recherche de Yann Potin, mais aussi les œuvres d'art et les bibliothèques d'Europe au musée Napoléon et à la bibliothèque impériale. Et cette concentration du patrimoine européen à Paris a eu en effet des conséquences considérables sur toute la géographie culturelle européenne après 1815, on le sent encore. Alors, vous êtes aussi l'auteur d'une exposition qui va commencer dans quelques jours à Paris, à l'Observatoire de Paris, et qui durera jusqu'au mois de juillet, et qui s'appelle Les Frères Humboldt, donc les Frères Humboldt, et Alexandre de Humboldt en particulier, et l'Europe de l'esprit. Cette exposition tente de montrer là aussi qu'il y a bien, à cette époque-là, au tout début du 19e siècle, une Europe qui est en marche, une Europe intellectuelle. En quoi est-elle différente de celle sur laquelle vous avez travaillé à propos de Napoléon, ou est-elle semblable? Est-ce qu'il y a des points communs entre cette Europe des frères Humboldt et puis l'Europe de Napoléon? L'Europe des frères Humboldt et l'Europe de Napoléon, c'est la même Europe, c'est notre Europe. Les frères Humboldt sont nés la même année que Napoléon, en tout cas l'un d'entre eux, Alexandre. C'est cette génération de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ont eu 20 ans en 1789 et dont la biographie a été bouleversée, accélérée, libérée. Et ces deux frères Humboldt sont en quelque sorte les héritiers de la transformation de l'Europe des Lumières en Europe moderne. C'est un sujet, c'est des personnalités fascinantes et attachantes. Je suis très heureuse qu'ils soient associés à la personnalité de Napoléon dans la mémoire et à partir de la semaine prochaine, parce que c'est l'autre versant de l'Europe, l'Europe intellectuelle. Alors, Alan Forrest, vous avez travaillé sur les soldats, sur en particulier les soldats de la Révolution et de l'Empire, dans ce très beau livre qui vient de paraître aux éditions Vendémiaire, au service de l'Empereur, un livre que vous aviez publié, je crois, il y a maintenant une douzaine d'années, en Grande-Bretagne, et qui vient tout juste d'être traduit. Et dans ce livre, justement, au service de l'Empereur, vous nous montrez une Europe par le bas, pourrait-on dire, une Europe différente de celle des puissants et des grandes têtes couronnées, que ce soit celle de Napoléon, de ses frères ou de ses adversaires. C'est l'Europe des soldats de la Grande Armée, une Grande Armée dont on a oublié souvent qu'elle était composée, surtout sur la fin, de milliers, voire de dizaines de milliers, quelquefois de centaines de milliers de soldats qui n'étaient pas d'origine des soldats de France. Absolument. J'ai suivi d'une certaine façon leurs idées, leur carrière, par leurs lettres, par leurs journaux, et il est vrai que, sauf peut-être quelques officiers qui étaient vraiment des fils de la Révolution française, en grande majorité, les soldats n'étaient pas des hommes très idéologues. Ils avaient leur vie quotidienne, ils avaient leurs inquiétudes, bien sûr, ils avaient leurs peurs. C'était des hommes très ordinaires qui venaient de partout en Europe, comme vous dites, et qui souffraient d'une certaine nostalgie, me semble-t-il, avec le passage du temps surtout. Ils voulaient retrouver leur pays, ils voulaient la paix à tout prix, la paix peut-être plus que la victoire. Et bien sûr que pour beaucoup d'entre eux, c'était Napoléon, c'était l'armée qu'ils suivaient, et non pas une sorte d'esprit patriotique pour la France, pour une plus grande France. Oui, vous notez dans votre livre Au service de l'Empereur, Alan Forrest, que cette armée napoléonienne est hautement professionnalisée, dites-vous, elle est polyglotte aussi, une chose qu'on oublie souvent, puisque évidemment, on le sait, on imagine et on rêve encore une Europe, en particulier des puissants totalement francophones, puisque si on connaît les aventures de Casanova et pas simplement, on sait que la langue de la diplomatie, c'est la langue française dans ces années-là. Mais là, on a une armée par le bas, justement, polyglotte, 611 000 hommes dans la grande armée qui part pour la Russie en 1812, 130 000 Allemands de la Confédération du Rhin, 90 000 Polonais et Lituaniens, 27 000 Italiens, 9 000 Suisses et bien d'autres encore. Ça change la perspective d'une certaine façon, Alan Forrest. Absolument. Je crois qu'il y a de grandes armées pendant cette période-là, des deux côtés, et c'était des deux côtés des armées polyglottes. Peut-être que dans des unités, dans des régiments, dans des bataillons, il y aurait suffisamment d'homogénéité, que les hommes pouvaient se comprendre, se parler, etc. Mais dans l'armée comme telle, non. Il y a des Allemands, par exemple, des deux côtés. Et si on suit, par exemple, l'histoire de la Bavière ou l'histoire de la Saxe, ces Allemands restent d'un côté ou l'autre. Il y a des batailles où les Allemands se battent contre des Allemands. Donc, oui, du point de vue de la langue, de la culture, ce n'est pas du tout une armée française. Marie-Pierre Rey, bonjour. Bonjour. Vous nous avez rejoint. Vous êtes donc grande spécialiste en particulier de la Russie, de l'histoire de la Russie, et vous travaillez depuis plusieurs années à nous raconter quasiment année après année dans des livres qui se succèdent assez rapidement en librairie, chez Flammarion en particulier, oui. À la fois cette aventure russe et ce désastre de l'armée, de la grande armée devant Moscou en particulier. C'était il y a quelques temps. Et puis, tout récemment, puisque ça vient tout juste de paraître, profitant de cet anniversaire, 1814, un tsar à Paris, avec pour sous-titre l'année où les Russes ont fait l'histoire de France, chez Flammarion encore, dans la collection Au fil de l'histoire. Alors, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est cette Europe de Napoléon sur laquelle nous allons travailler pendant toute cette heure, est-elle si différente de l'Europe d'Alexandre Ier, par exemple, le tsar de Russie, qui arrive sous les Hurrahs dans le Paris que vient de quitter l'empereur pour l'île d'Elbe? Alors oui, elle est très différente puisque en réalité l'Europe que voulait Napoléon était une Europe sous influence, voire sous égide française, bien évidemment. Mmh. C'était une Europe moderne par le code civil, etc., par les grandes avancées de cette nature, mais en même temps, c'était une Europe, bien entendu, qui se voulait sous tutelle française. Or, le maître mot en fait du projet européen d'Alexandre Ier, c'est précisément le mot équilibre. Équilibre entre les nations, équilibre entre les États. Et donc, c'est déjà un projet tout à fait différent, bien entendu, de celui que portait Napoléon. Et puis, par ailleurs, autre élément important, lorsqu'il vient à Paris, justement, lorsqu'il entre à Paris fin mars 1814, le tsar a à cœur de faire la démonstration de l'européanité profonde, essentielle de la Russie. Parce que précisément, et ça c'est un élément très intéressant à souligner, dans le schéma d'Europe napoléonienne, la Russie reste en marge, reste un état marginal, à la périphérie de l'Europe voulue par Napoléon. Napoléon, bien qu'il y ait eu alliance, a eu tout de même toujours à cœur de souligner le côté asiatique de cette barbare, de ce barbare russe, les barbares du Nord. Et toute la démonstration que voudra porter Alexandre Ier, c'est justement l'idée que la Russie a sa place en Europe, au cœur de cette civilisation européenne. Et de ce point de vue-là aussi, c'est une vision extrêmement différente de celle de Napoléon. Alors, une des choses qu'on peut se poser dans un débat comme celui-ci, c'est peut-être de savoir quelle vision de l'Europe avait justement Napoléon, et en particulier quelle vision il avait entre le fils d'Italie qu'il pouvait être. C'est comme cela que le voit en particulier Luigi Mascini Migliorini, qui est un des grands biographes de Napoléon, le fils d'Italie qu'il était, et puis cette Europe qui d'une certaine façon se construit alors qu'il avance lui-même en la conquérant. Donc il ne sait pas très bien, Luigi Mascini Migliorini, vers quelle Europe lorgne le jeune Napoléon et le plus âgé, donc, à la fin de ses conquêtes. Moi, j'imagine Napoléon pensait à l'Europe comme pouvait penser un Italien à l'Europe. C'est-à-dire à quelque chose qui était un peu encore l'ancien héritage de l'Empire romain. Donc, un Italien, lorsqu'il pense à l'Europe, il ne peut pas penser à des nations. Il peut penser à un système, à un édifice, à quelque chose de très vaste et de très accueillant, si je peux dire, mais qui n'a pas traversé la modernité des nations. D'un côté, lorsqu'un Corse italien découvre la France et la Révolution, comme il le fait, il découvre aussi l'État-nation, sans doute. Et là, donc, il se trouve avec un instrument pour son projet, qui est un projet plus vaste, qui est un projet qui est, d'un côté, obligé. La question de l'Empire se pose comme une question de survivance de ses propres conquêtes militaires et politiques. Et de l'autre côté, c'est aussi un projet qui devrait faire de la nation, la grande nation, comme on dit dans la Révolution, quelque chose de pareil, de différent. Peut-être là, on arrive mal à déceler quel est le vrai projet. Moi, je me souviens toujours d'un passage qui est peut-être de Ségur, lorsqu'il parle de la campagne de Russie. Il est en train de faire un petit résumé du grand appareil militaire qui est la grande armée. Il dit, là, il y a les Français, il y a les Italiens, il y a les Allemands, le monde, presque toute l'Europe qui va combattre les Russes. Et à un moment donné, il dit, oui, l'Empire est si vaste que la France y est perdue à l'intérieur. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment un mouvement très intéressant. On part de la France, de la grande nation, et on perd la France, on perd la nation en construisant l'Empire. Luigi Mascini Migliorini a interrogé il y a quelques jours, lorsqu'il passait par Paris, il est un des grands biographes de Napoléon, une biographie publiée chez Perrin. Alors, Marie-Pierre Rey, est-ce que la grande armée devant les murs de Moscou est si vaste que la France est perdue dedans? Alors, c'est vrai qu'il y a une boulimie qui est bien décrite dans les propos qu'on vient d'entendre, une boulimie napoléonienne qui fait que à la fois, la France reste au cœur du système, mais en même temps cet empire de 134 départements et puis tout ce système de vassalité créé autour de la France devient de plus en plus difficile à gérer. Et je crois que La catastrophe de la campagne de Russie peut être une sorte d'allégorie finalement de cette gestion de plus en plus lourde, de plus en plus difficile dans laquelle la France est engloutie. Et je crois que ça c'est un élément très important et tragique évidemment de cette expérience, c'est que peut-être que le défi était trop lourd, trop difficile à surmonter. Oui, Bénédicte Savoie, dans l'exposition de Bonn dont on parlait tout à l'heure, que vous aviez organisée, Traumund Trauma, il y avait bien ce double aspect, c'est-à-dire cet élan, élan salué d'ailleurs par beaucoup des peuples que rencontrait sur son passage Napoléon. Vous y rappeliez à la fois l'enthousiasme d'un Goethe ou encore celui de Beethoven au tout début, en l'occurrence. Et puis, comment, au bout du compte, eh bien, tout cela avait fini par se renverser dans un système qui était apparu comme plus tyrannique que libérateur. Et justement, dans cette transformation, en quelque sorte, l'Allemagne ou les Allemagnes trouvent la force de se régénérer. C'est pendant ces années d'occupation napoléonienne que la Prusse, notamment, se réinvente complètement, réforme ses structures, réforme son université ou invente même l'université, réforme son rapport de l'État à l'individu. C'est une période donc à la fois d'intégration européenne et de régénération, de recomposition, de revenu sur soi, sur ce qu'on est, sur ses racines. Exactement comme le disait l'historien allemand Thomas Nipperdey, pour l'Allemagne, au commencement est Napoléon. Et ce commencement est un commencement à la fois violent et salutaire. Sur ce point, Alan Forrest, une des surprises que j'ai eues en vous lisant dans Au service de l'Empereur, c'est de savoir par exemple que la garde impériale, qui est quand même la garde rapprochée de l'Empereur et de Napoléon, vous dites qu'elle est très internationale. Donc il y a d'une certaine façon à la fois l'idée qu'on porte les idées de la Révolution, qu'on porte la France au-delà de ses frontières et qu'on n'a pas peur de ces gens qui viennent d'ailleurs pour vous entourer et pour vous protéger, alors qu'ils pourraient être des menaces. Tout dictateur peut avoir peur d'être assassiné par un de ses proches, en l'occurrence Alan Forrest. Je crois que c'est vrai. À vrai dire, l'expansion de l'Europe a été faite, me semble-t-il, pour des raisons multiples. Il y a d'un côté une sorte d'idéal venu peut-être de sa lecture de l'Antiquité. Il y a aussi une volonté de moderniser, mais il ne faut jamais l'oublier, l'expansion sert aussi à fournir à la France et à Napoléon beaucoup, beaucoup de troupes supplémentaires. Oui, partout où il va, il y a le code, mais partout où il va, il y a aussi la conscription. Et il me semble que le fait que son armée est multinationale de cette manière-là lui semble tout à fait naturel. C'est l'armée de l'Empire, c'est plus l'armée de la France. Et non, à mon avis, il n'a pas une peur particulière au sujet des soldats et des officiers étrangers. Mais est-ce que votre travail que vous avez mené, qui est absolument formidable, avec en particulier ces archives que vous avez retrouvées dans les archives départementales un peu partout, qui de courriers qui ont été interceptés par quelqu'un et ensuite qui sont rentrés dans les fonds d'archives, qui nous permettent de savoir ce que des soldats qui, pour beaucoup d'entre eux, avaient des difficultés à écrire ou étaient analphabètes, écrivaient à leur famille à l'arrière, est-ce que ça vaudrait le coup de la mener, cette enquête, mais au niveau européen? Parce que j'imagine que ces mêmes soldats, qu'ils soient lituaniens, polonais, italiens, devaient envoyer aussi, par l'intermédiaire de cette poste impériale sur laquelle vous insistez beaucoup, et l'efficacité de cette poste impériale, devaient envoyer des nouvelles à leur famille. Et on aurait peut-être ainsi une sorte de vision contrastée de ce que pensaient ces soldats enrôlés par la conscription à la fois les tentatives de Napoléon et de l'Europe de l'époque. Oui, j'avoue que je n'ai pas osé même penser à l'essayer. De ce point de vue-là, mon impression, c'est que le courrier était très efficace entre la France et ses armées au-delà des frontières. Si le courrier était également efficace entre, par exemple, les armées et la Lituanie ou la Pologne, j'ai aucune idée. Il y a certainement des lettres en Allemagne, il y a beaucoup, beaucoup de lettres en Belgique et dans les départements de la Belgique et de la Hollande. Mais si le système marchait aussi bien au-delà de la grande France des 130 départements, je suis moins sûr, moins convaincu. Marie-Pierre Rey, sur cette grande armée en particulier. Oui, ce qui est intéressant aussi pour rebondir sur ce que vient de dire Alan Forrest, c'est dans la grande armée qui part en 1812, qu'on appelle l'armée des 20 nations, hein, symboliquement, on a 40% de Français seulement, 60% d'étrangers, d'Européens. Mais en réalité, c'est aussi dans ces régiments non français qu'on aura le taux de désertion le plus élevé au fur et à mesure que la catastrophe se déroule. Ce qui revient quand même à dire qu'il y a un problème structurel en réalité, hein, dans cette armée, et qui tire au fait que, en dépit, et c'est peut-être aussi un autre paradoxe, en dépit du fait qu'il y a chez Napoléon ce rêve d'une grande Europe, dans le même temps, lorsqu'il s'adresse à son armée, il a un discours très, très franco-français. Oui. Et ça, c'est une faille qui, évidemment, explique en partie ce taux de désertion très, très élevé. Bénédicte Savoie, je me souviens d'avoir vu dans cette exposition de Bonn que vous avez été la commissaire, d'avoir vu en particulier certaines des fouilles qui avaient été menées récemment, je crois, c'était du côté de la Lituanie où on avait trouvé justement ces dizaines et centaines de cadavres en habit de la Grande Armée au moment des défaites face à la Russie. Qui se trouvaient mélangés. Il y avait là des Portugais, des Italiens, etc., etc. Oui, on avait une section qui s'intitulait Requiem pour une armée européenne, où on avait tenté exactement de montrer, mais à partir de ce charnier de Vilnius qui venait d'être découvert à l'époque, combien cette armée était mêlée et la mémoire de ces blessures, de ces morts, combien elle était encore présente pendant des décennies après. Au XIXe siècle, notamment dans les églises de Bavière, où on trouve ce qu'on appelle des Totentafeln, donc des plaques commémoratives pour les morts de la Grande Armée, des petits objets souvent vraiment très émouvants qui sont restés pendant tout le XIXe siècle dans ces églises, de, non seulement de Bavière, mais d'autres régions allemandes, en fonction du camp dans lequel elles étaient par rapport à l'armée napoléonienne, et qui ont préservé cette mémoire pendant longtemps, et peut-être jusqu'à aujourd'hui. Marie-Pierre Rey. Oui, sur l'épisode terrible de Vilnius, en fait, il se trouve que lorsque ce qu'on appelle déjà les débris, hein, selon l'expression de Grivois, un des survivants, reflue après la Bérézina et va vers la frontière, les hommes, en réalité, se sont trouvés devant Vilnius porte close. Ils espéraient être nourris, ravitaillés, et en fait, ça n'a pas été le cas. Et on va avoir, en fait, des milliers de morts en 48 heures devant les portes de Vilnius, ce qui explique ce charnier qui constitue évidemment pour les historiens, archéologues, une source extraordinaire quant à la fois l'état physique, l'âge, etc. De ces malheureux survivants qui espéraient devant Vilnius avoir la vie sauve et qui vont mourir dans ces conditions terribles. Vous vous rappelez, Alan Forrest, que 120 000 soldats sur 140 000 morts, entre la frontière, 120 000 soldats sont morts sur 140 000, je crois, entre Moscou et la frontière, justement, à ce moment-là, au moment de la débâcle et de la Bérézina. C'est le chiffre. Je ne sais pas, vous êtes d'accord avec ce chiffre, Marie-Pierre Rey? En fait, on a des estimations, des fourchettes, hein, puisque on a, en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'en gros, bien que les fourchettes diffèrent un petit peu, mais on a seulement 15% de survivants. On avait 150 000 personnes qui quittent Moscou en octobre et environ 15% vont survivre. À cela s'ajoutent ceux qui ne sont pas allés jusqu'à Moscou et qu'il faut également compter et pour lesquels le taux de survie sera plus élevé. C'est énorme. Oui, c'est monstrueux. Et donc, évidemment, ça ne peut pas ne pas avoir un impact justement sur non seulement le moral de ces troupes qui sont décimées, c'est le cas de le dire, oui. Et puis qui, par ailleurs, donc peut-être vont réenvisager d'une manière très différente la vision que voulait leur faire servir Napoléon. Et c'est surtout qu'en plus, parmi les survivants, on aura beaucoup de gens très traumatisés physiquement, psychiquement. Et en même temps, cet état déplorable, et cette fatigue, en réalité, touche également la population civile, l'arrière, qui est extrêmement fatiguée de ces campagnes. Et je crois que c'est un point fondamental aussi qui expliquera finalement le retour relativement facile des Bourbons en 1814, parce que les Français sont épuisés par ces campagnes. Et pourtant, parmi les erreurs qu'avait pu commettre, selon Luigi Massili Migliorini, donc, qui est le grand biographe de Napoléon, un des grands biographes de Napoléon, les erreurs qu'il a pu commettre, eh bien, c'est peut-être justement d'avoir un moment oublié qu'il était l'homme de la Révolution, l'homme d'une nouveauté, et qu'il a voulu s'allier avec les grandes puissances royales et impériales de l'époque en Europe pour pouvoir refonder une nouvelle dynastie. Et là, peut-être s'est-il trompé, c'est ce que nous disait il y a quelques jours Luigi Mascelli Migliorini. Bien sûr, la légitimité de Napoléon dérivait de la Révolution et du fait qu'il était un homme nouveau, comme ils étaient nouveaux les maréchaux, même Joséphine, qui était sa chance. Il a été chanceux jusqu'au moment où il n'a pas quitté Joséphine. C'était le monde de la Révolution, de gens qui, pour le mérite, pour des conditions particulières, avaient fait une très belle carrière. Il faut rappeler qu'ils avaient 20 ans à l'époque, ou 25 ans. 25 ans, oui. C'était vraiment la jeunesse au pouvoir. Là, on l'a vu. En 68, on ne sait pas, mais là, on l'a vu sans doute. C'était une génération vraiment nouvelle qui a pris le pouvoir en Europe à l'époque. Et de l'autre côté, il a cru défendre la Révolution par la tradition. Donc, récupérer une temporalité tout à fait nouvelle, une sorte de degré zéro de l'histoire qui s'était installé à partir de la Révolution, en remontant le temps, mais, si je peux dire, d'une façon qui n'était pas la sienne. Lui, il avait remonté le temps, mais l'avait fait d'une façon tout à fait particulière, en récupérant l'Antiquité, comme le dit Stendhal, Alexandre et César ont trouvé un successeur. Mais ça veut dire que là, il n'avait pas besoin de retourner dans la filière du temps en faisant à recul tout le passage. Il avait fait le grand saut. Et à un moment donné, il est effrayé de soi-même, il n'est pas sûr de soi-même, et il imagine que le temps, il faut quand même le reprendre. Juste avant la Révolution, d'une certaine façon. Oui. Et donc, c'est là. Et là, il se trompe complètement. Oui, c'est là où il décide de se marier avec Marie-Louise d'Autriche, qu'il a cette idée que peut-être il pourrait devenir une nouvelle famille régnante. Les Napoléonides peuvent devenir une nouvelle famille régnante au sein des anciennes familles qui ont été renversées par la Révolution ou bousculées par la Révolution. C'est le projet. Dans ce mariage que vous évoquez, Metternich imaginait qu'il y aurait eu la possibilité de la tradition de se réinstaller en Europe par la Révolution. Et donc une sorte de victoire idéologique de sa partie. Mais il n'imaginait pas qu'une autre tradition s'était installée en réalité en Europe, c'était la Révolution. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots. En réalité, ce qu'on appelle la Révolution, à partir de la fin des années 90, est devenue la nouvelle tradition. Ça, on va le dire à partir de Benjamin Constant, la liberté des anciens, la liberté des modernes. Et c'est Napoléon, à la fin de sa vie, qu'il arrive à le comprendre, lorsqu'avec le mémorial de Sainte-Hélène, laisse un legs à l'Europe qui dit « Maintenant, tu n'as plus besoin des anciennes traditions, tu as une nouvelle tradition, ce sont les libertés de la modernité. C'est moi qui les a bâties, qui les a défendues. Je meurs à Sainte-Hélène pour cette cause. » Voilà qui est passionnant, Bénédicte Savoie, cette vision de révolution, une révolution qui doit tout renverser et qui finit par se vouloir par la volonté même de celui qui lui succède, Napoléon, une nouvelle tradition. L'expérience de la révolution pour cette jeune génération, Luigi Mascelli Migliorini parle de la jeunesse au pouvoir, c'est vraiment quelque chose qu'on sent, y compris hors des frontières françaises, au pouvoir, non seulement au pouvoir politique, mais au pouvoir intellectuel, aux manettes des réformes intellectuelles, d'une régénération intellectuelle, qu'on pense que Beethoven, Hegel, Hölderlin, tous ces jeunes hommes allemands sont tous de la même génération que Bonaparte et combien la Révolution française a polarisé leurs pensées. Et les frères Humboldt, sur lesquels vous travaillez Humboldt, aussi, ils sont nés la même année pour Alexandre de Humboldt. Alexandre est né la même année, son frère Guillaume de Humboldt, qui a été le grand réformateur de la Prusse après 1815, est né en 67, donc 2 ans plus tôt. C'est des jeunes gens qui ont été complètement électrisés par la Révolution française. Et j'insiste aussi toujours beaucoup pour dire que ce sont aussi des jeunes femmes, puisque cette nouvelle loi induite, cette nouvelle liberté, c'est une liberté de mœurs, une liberté de sexe qui joue un grand rôle, en tout cas dans la biographie des frères Humboldt. Sur ce point, Marie-Pierre Rey, c'est-à-dire sur cette tradition qui veut, nouvelle tradition qui veut remplacer les anciennes, c'est ce que ne veulent sûrement pas les familles régnantes traditionnelles de l'Europe. C'est aussi pour cela qu'il a beaucoup de mal, malgré sa volonté de s'allier avec la famille d'Autriche, il a beaucoup de mal à s'imposer au bout du compte, Napoléon. Bien sûr, parce qu'en fait, il restera malgré tout un parvenu. Hein, l'expression parvenu corse fait florès dans les cours anciennes. Et bon, on évoque Marie-Louise. Il y a eu aussi une tentative de projet de mariage russe, hein, même deux tentatives de mariage russe. Oui, oui. Voilà, et qui ont échoué. Et c'est Alexandre qui n'en voulait pas d'ailleurs. Oui, absolument, parce que il craignait en réalité de se lier de manière trop forte par ce lien familial et de ne plus avoir après les coups des franches. Donc on voit qu'il est déjà dans une logique extrêmement politique pour refuser ce mariage. Mais il y a toujours effectivement l'idée que Napoléon, d'ailleurs qu'il appelle le parvenu Bonaparte ou Buonaparte, mais très très rarement Napoléon et jamais Napoléon Ier en tout cas, ce vocable atteste qu'il reste aux yeux du tsar et de sa famille un parvenu. Avant que vous n'arriviez au tout début de cette émission, on évoquait avec Bénédicte de Savoie, Marie-Pierre Rey, cette volonté absolument incroyable de Napoléon de rassembler les œuvres de l'esprit à Paris, que ce soit les archives là, qui permettaient le gouvernement et le bon gouvernement de toutes ces provinces conquises, mais aussi les œuvres que Vivant Denon avait ramené du côté du Louvre, qui s'appelait à l'époque le Musée Napoléon, cette volonté donc de récupérer la totalité du savoir et de la connaissance de l'époque et de le mettre à Paris. Donc, il avait même projeté d'ailleurs de faire venir le pape à Paris. Napoléon a eu cette idée absolument folle de le transférer de Rome jusqu'à Paris. On pouvait s'attendre à une rétorsion, des mesures de rétorsion. Vous insistez bien dans Un tsar à Paris, le livre que vous avez consacré donc à l'arrivée d'Alexandre Ier en 1814 dans ce Paris libéré de la tutelle de Napoléon, sur le fait qu'il n'y a pas de volonté de vengeance de sa part et que tout compte fait. Il reconnaît à la Révolution française et à Napoléon le fait d'avoir ouvert un musée dans lequel des citoyens peuvent se rendre, voir les œuvres les plus grandes œuvres d'art du monde, et que ça n'est pas la peine de les rendre, ces œuvres d'art. Parce que Vivant Denon, qui lui fait visiter le musée, a peur et a enlevé certaines des œuvres de leur piédestal. Il le remarque et dit « Mais qu'est-ce que vous croyez ?» Oui, oui, ça c'est un joli morceau, en fait, dans ce séjour du tsar à Paris. Les Parisiens étaient terrorisés. Ils se disaient que les Colisées allaient mettre Paris à feu à sang. Et en réalité, le tsar rentre à la tête des troupes avec un message de paix, de clémence. 60 000 soldats. Quand 60 000 soldats et qui vont rester 6 semaines à Paris. Donc ça fait quand même du monde. Et il aura en réalité un comportement extrêmement généreux et en particulier vis-à-vis des œuvres d'art dont il souhaitera qu'elles restent à Paris. Alors ce qu'on ignore, c'est que c'est lui qui est à l'origine des clauses du traité de Paris qui, autorise le maintien de toutes les œuvres spoliées, puisque certaines, quand même, ont été spoliées depuis, par exemple, la campagne d'Égypte, et a fait en sorte qu'elles restent à Paris. Il y a même un très joli document qui est une lettre du pape en 1815 qui écrira au tsar de Russie en lui disant Votre Majesté, faites ce qu'il faut pour que je puisse récupérer mes trésors, mes œuvres d'art. Et Alexandre Ier dira il faut se montrer très généreux et magnanime, ce qui évidemment ne manque pas d'un certain piment de la part du tsar s'adressant au pape, mais en tout état de cause, les œuvres resteront à Paris. Et puis Alexandre, que l'on compare lorsqu'il arrive à l'Académie française à Marc Aurèle, répond à celui qui fait son discours. Les Français ont fortement contribué à répandre les lumières sur l'Europe. Et on oublie souvent qu'Alexandre Ier était un homme des lumières aussi. Il a été élevé par un républicain convaincu qui était attaché aux idées des lumières, en particulier aux idées de Rousseau. Et en 1814, il reste profondément attaché aux idées libérales. morale. Alors ce ne sera plus le cas à partir de 1819-1820, mais en tout état de cause, en 1814, il a ce discours libéral et c'est tout de même aussi sur son insistance que les Français auront une charte constitutionnelle, puisque à l'origine, les Bourbons ne voulaient pas de cette charte et souhaitaient un retour à la monarchie absolue. Mais Bénédicte Savoie, vous qui êtes historienne de l'art et qui travaillez aussi parfois sur la question de ces spoliations, ces restitutions d'œuvres d'art volées, est-ce qu'on a gardé justement une dent contre Napoléon à cause de ces prédations artistiques en particulier dans les pays qu'il a conquis à l'ouest, au centre ou à l'est de l'Europe? Oui, bien sûr, c'est un des grands traumatismes. Je voudrais revenir sur ce que disait Marie Pierret. Il y a cette très belle iconographie des Cosaques au Louvre en 1814 où on voit ces soldats représentés un peu comme des barbares dans cette iconographie qui est produite par un Allemand, Opitz, qui les montre donc avec leurs uniformes en vénération devant l'Apollon du Belvédère dans le Louvre. Et ces images-là sont vraiment en fait la traduction par l'image de l'effet produit par le musée Napoléon sur toute l'Europe, c'est-à-dire un musée volé, mais qui transforme y compris les pierres barbares ou ceux qu'on représente comme les pierres barbares en êtres humains capables d'émotions artistiques et presque religieuses devant l'art. Ça compte parmi les plus intéressants documents visuels sur le musée Napoléon, ces Cosaques au Louvre. Alors, grand traumatisme. Pendant 100 ans, les Allemands et toutes les victimes des spoliations napoléoniennes, qui sont d'ailleurs pas seulement napoléoniennes, ça commence tout ça sous la Révolution, ont écrit l'histoire des saisies révolutionnaires et impériales en tant que victimes, sans avoir accès aux sources à Paris. Et à force de ne pas avoir accès aux sources, pendant 100 ans, l'idée que beaucoup de choses étaient restées à Paris est devenue de plus en plus grande. Des légendes se sont formées, qui débouchent pendant la Première Guerre mondiale, en tout cas du côté allemand, sur des projets de confiscation par vengeance ou de reprise manu militari d'œuvres dont on croyait qu'elles étaient restées. Finalement, tout ça, heureusement, n'a pas eu lieu. Alain de Forest, un des aspects que l'on n'a pas évoqué, puisque nous sommes avec Marie Pierret, grande spécialiste de la Russie et de la campagne de Russie en particulier, c'est qu'il y a d'autres pays qui ont été extrêmement rétifs aux tentatives donc, de conquête de Napoléon. Et vous y insistez au service de l'empereur, puisque ces pays-là ont laissé un fort traumatisme sur les soldats de la Grande Armée et de l'armée napoléonienne. En particulier, l'Espagne, vous insistez sur les résistances espagnoles et le nouveau type de guerre qui était proposé par les Espagnols à cette armée, qui était tout compte fait une armée certes modernisée, mais relativement traditionnelle dans sa vision du combat. Et là, d'un seul coup, les soldats de Napoléon se trouvent démunis face à cette guérilla qui naît sur les territoires espagnols et qui fait que l'on ne sait jamais quel est l'ennemi et si l'ennemi n'est pas dans la population civile, ce qui provoquera effectivement des terribles règlements de compte, plus que des règlements de compte, des massacres organisés par les soldats de Napoléon. Oui, absolument. Il y avait bien sûr des précédents pour ce qui est arrivé en Espagne, mais non pas peut-être sur cette échelle-là. Je pense à la petite guerre au XVIe, XVIIe siècle. Je pense aussi à la Vendée, qui était une guerre civile, mais une guerre de guérilla cruelle et encore une fois avec beaucoup d'esprit vengeur. Mais en Espagne, c'est la première fois, je crois, que Napoléon n'a pas réussi son coup. Ailleurs, en Europe, en Allemagne surtout, au nord de l'Italie, il y avait eu une succession de victoires. On avait imposé son régime, c'est-à-dire l'Empire, avec l'administration civile, avec l'administration judiciaire. En Espagne, on a créé un roi d'Espagne, le frère Joseph. Comme toujours, Napoléon a choisi ses parents. On a essayé d'imposer sur l'Espagne une royauté, une monarchie de la manière française, mais ça n'a pas réussi. La guérilla a continué, la guerre a continué, la résistance a continué. Ça, je crois, choqué les soldats et l'armée. Et le fait qu'on ne peut pas distinguer amis et ennemis, soldats et civils, ça leur a donné un sens de vulnérabilité qui était sans précédent dans ces guerres-là. Et surtout, ça a pu avoir des conséquences beaucoup plus loin dans le temps, pourrait-on dire, parce que ces soldats qui reviennent de ces guerres pour certains, vivent longtemps et ils racontent ce qu'ils ont vécu. Donc, ils participent aussi à la construction de visages de l'ennemi. On sait très bien comment le regard sur les Cosaques a continué à vivre tout au long du 19e siècle par le récit des anciens soldats de la Grande Armée, que ça a pu jouer jusqu'au cœur du 19e siècle, même jusqu'à la fin du 19e siècle. Et qu'est-ce que vous pensez de cela, Alan Forrest, de cette construction, d'images par l'intermédiaire de ces soldats qui ont sillonné l'Europe en tous sens, les soldats de la Grande Armée? Oui, on passe de l'histoire à la création d'une sorte de mythe, de légende. Et les deux arrivent en même temps, bien sûr. Mm-hmm. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait qu'ailleurs, dans les guerres qu'on pourrait appeler ordinaires, contre des armées disciplinées, la vision de l'autre, la vision de l'ennemi, devient plutôt sympathique même. On comprend. Nos soldats se battent parce qu'ils doivent se battre, ils n'ont pas de choix. Les leurs aussi. C'est presque un frère dans le malheur, dans la misère. Mais en Espagne, et à un certain degré en Russie aussi, cette vision change parce que l'autre, l'ennemi, n'est pas un soldat comme c'est un civil. Soi-même. C'est un insurgé, c'est un bandit, c'est un brigand. Il y a beaucoup de mots qu'on utilise, mais c'est quelqu'un qui est... C'est la guerre d'embûches, la guerre à mort qu'on trouve dans les textes qui sont envoyés par les soldats de Napoléon en Espagne en particulier. Oui. Guerre d'embûches, guerre à mort. Absolument. C'est en Espagne qu'on trouve ça. Et bien sûr que les autres ne se battent pas d'une manière traditionnelle et raisonnable. On ne les voit pas. Il y a des embuscades un peu partout. Et ce sont des hommes qui sont habillés en civil, qui prennent le fusil contre vous et qui risquent de vous torturer, de vous emprisonner, etc. Donc, il y a un sens, je crois, parmi les soldats, que ce n'est pas une guerre comme les autres, donc qu'on n'est pas obligé de se battre comme dans les autres guerres. Avec les lois traditionnelles de la guerre, Marie-Pierre Rey. Oui, on retrouvera le même phénomène dans la campagne de Russie. Et d'ailleurs, les Russes se réfèrent souvent à la guerre d'Espagne en 1812. Et on retrouve la même idée, en fait. Les Français, et Napoléon lui-même, hein, on a des déclarations, on le voit assez désarçonné, finalement, devant la guerre que lui mèneront les Russes. Et il sera... extrêmement choqué également du mauvais traitement réservé aux prisonniers, dans lesquels il voit une sorte de violation du code de l'honneur, comme si évidemment la guerre entre chevaliers, pourrait-on dire, devait se poursuivre. Et Kutuzov aura cette formule, mais cette guerre-là, ce n'est pas la nôtre. Et on voit au contraire la guerre menée par ce peuple en armes, aux côtés de son armée régulière. Et je crois que c'est aussi un point important qui a échappé peut-être à Napoléon. Il n'a peut-être pas pris toute la mesure des guerres que lui livraient les Espagnols, qu'il appelait les barbares du Sud, et les Russes, ces fameux barbares du Nord, dans leur volonté de mener une guerre nationale en réalité. Oui, parce qu'il avait vraiment peut-être pas cette vision nationale, mais une vision impériale très différente de cette vision nationale. Et vous insistez beaucoup, Alan Forrest, sur les masses qui sont mises en mouvement par ces guerres napoléoniennes. On oublie souvent que au moment de Waterloo, je crois, c'est ce que vous dites, c'est 650 à 700 000 soldats du côté de la Grande Armée, de l'autre côté, c'est 800 000. Et qu'effectivement, on est dans des proportions qui sont des proportions de ce qu'on a appelé plus tard des grandes guerres totales du XXe siècle, comme la Première Guerre mondiale. Et que, évidemment, cette mise en masse, c'est un changement considérable par rapport aux guerres traditionnelles, parce qu'elle permet aussi ce que permettait la promotion révolutionnaire, de faire monter très haut des gens qui viennent d'en bas, le maréchal Lannes ou encore Augereau, jusqu'au sommet de la hiérarchie militaire. Et elle bouleverse aussi l'ordre qui était l'ordre de l'ancien régime. Oui, absolument. Napoléon cherchait là où il pouvait ses généraux, ses maréchaux. Il les jugeait par le talent et par la fidélité, par la loyauté à sa personne. Donc, si on avait été sous l'ancien régime, noble ou pas, si on était général des Jacobins en 93-94 ou non, ce n'était pas signifiant. Si on avait le talent, si on avait la capacité de gagner des guerres pour lui, il vous récompenserait. Donc, les maréchaux de Napoléon sont très, très mélangés. Il y a un fils de tonnelier, dans Augereau, par exemple, un fils de paysan comme Lannes, mais aussi des fils de nobles dont les pères avaient été des officiers sous l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, cette vision de l'ordre et du désordre, justement, c'est une vision que développait pour nous Luigi Mascheri-Migliorini quand on le rencontrait il y a quelques jours à Paris. L'ordre n'est peut-être pas là où on le croit, du côté de Napoléon, et le désordre là où on le croit non plus. C'est un profond bouleversement, dit-il, de l'ordre européen qui a été mis en place par Napoléon. Souvent, on est tenté de faire de Napoléon quelqu'un qui, avec son action administrative, politique, les préfets, tout ça qui est très bien dit, établit un ordre. En réalité, le premier mouvement, c'est le mouvement d'un désordre. Face à ce désordre, des hommes comme le prince de Metternich, comme l'Europe de la Restauration, imaginent qu'il faut réagir avec un ordre. Mais en réalité, on peut dire que dans ce désordre, il y avait de l'ordre, et dans cet ordre, il y avait le vrai désordre. Et donc, la partie gagnante, c'était celle de Napoléon. D'une façon tout à fait, si je peux ajouter, si compliquée qu'aujourd'hui est très actuelle. C'est-à-dire que l'Europe de Napoléon est une Europe qui peut, comme je disais, peut-être s'en passer de la modernité des nations. Mais nous sommes là aujourd'hui. Alors, l'Europe de Napoléon est une Europe qui est antique et contemporaine. Elle n'est pas moderne. Elle est ou l'Europe de César, ou est l'Europe de Napoléon. Elle n'est pas l'Europe de Louis XIV, pour mieux se comprendre. Mais c'est l'Europe de Louis XIV aujourd'hui qu'il n'est pas plus à la une dans notre Europe. Aujourd'hui, on a l'impossibilité de refaire une Europe mosaïque des nations, où on fait une Europe qui est une sorte d'empire postmoderne, Pacifique. pacifique, bien sûr, où on n'y arrive pas. Donc ce désordre qu'un homme foncièrement italien et méditerranéen jette dans l'Europe de son temps, c'est le désordre sur lequel aujourd'hui on peut réfléchir pour imaginer une solution qui dépasse la modernité des nations et qui retrouve dans, je veux dire, un empire postmoderne la possibilité d'être tous ensemble. Voilà donc une leçon pour aujourd'hui, pourrait-on dire, selon Luigi Mascheri-Migliorini, donc celle de Napoléon, ce désordre qui correspond à une nouvelle façon de voir l'Europe. Bénédicte Savoie, qu'est-ce que vous pensez d'une vision comme celle-ci? Moi, j'adore tous ensemble dans le désordre. C'est vraiment ce qu'il nous faut, sans doute. Il faut remuer tout ça et se souvenir qu'autour de 1800, le désordre, y compris le désordre biographique ici, quand on voit ça de Berlin, les années 1800, c'est moins les années napoléoniennes que les années de jeunes gens qui ont divorcé 3 fois. Ce sont de jeunes femmes mariées à 16 ans, remariées à 18 ans, qui divorcent à 20 ans, qui partent à Paris à pied, qui refont leur vie. Ça, c'est une forme de désordre biographique très, très fructueux et voilà, pourquoi pas pour nous aussi. Oui, et puis le désordre de Paris, c'était aussi ce qu'attendaient tous les vainqueurs de Napoléon. On l'avait lu dans Philippe Mansel et on le relit chez vous, Marie-Pierre Rey, c'est ce désir de venir à Paris, quoi. C'est-à-dire se dire, enfin, on va retrouver Paris. Après 20 ans, après la Révolution, après les bouleversements de l'Empire, on va pouvoir remettre le pied dans cette ville du désordre, d'un certain désordre Oui. aux yeux de la plupart des princes européens en particulier. Oui, alors ce qui est extraordinaire aussi, c'est que finalement, ce désordre, et quand vous dites retrouver, c'est important parce que même les Russes qui n'ont jamais mis les pieds à Paris ont l'impression vont de revenir. retrouver. Oui, parce qu'en fait, ils ont Paris en tête, ils ont un imaginaire parisien, ils connaissent de Paris les rues, les théâtres, les bons restaurants, et ils vont savourer en fait à tous Ils les vont sens chez du les frères terme. Provençaux, Oui, voilà. ils vont Chez Véry, tous les et puis bien sûr au Palais au Palais Royal, Royal, le Grand voilà. Belfort, etc. Et ils vont profiter de chaque instant. Ils vont jouer à la roulette, ils vont découvrir la roulette à Paris et ils vont dépenser des sommes colossales durant leur séjour à Paris. Et puis certains, plus sérieusement, vont découvrir les idées Et oui, politiques. et quand ils vont Et rentrer, ça va voilà. mal se passer. Et voilà, ils vont être parmi les pères fondateurs de ces sociétés secrètes qui vont rêver de transporter, de transférer sur le sol russe ses idées des Lumières, ses idées politiques et d'amener la Russie à un nouveau régime. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans Et qui seront punis pour ça. Hein. Voilà, absolument, puisqu'ils feront partie des décembristes, dont certains seront mis à mort et d'autres condamnés à l'exil. Et déportés du côté de la Sibérie orientale. En Sibérie, voilà. Dont certains ne reviendront que lorsqu'ils ont survécu, que grâce à la loi d'amnistie d'Alexandre II, 30 ans plus tard. Donc, c'est vous dire à quel point Nicolas Ier a été dur avec ces jeunes. Et on retrouve l'idée de jeunesse, hein, puisque ces décembristes, ces jeunes gens qui participent à cette épopée révolutionnaire en Russie, forgée sur ses idées aussi françaises, eh bien, ont en moyenne 25, 30, 35 ans pour les plus âgés d'entre eux. Donc c'est dire s'ils portent aussi cette jeunesse. Alain de Forest, vous insistez beaucoup évidemment sur le nombre de morts. Je crois que c'est 1 400 000 soldats qui sont morts entre les guerres de la Révolution et de l'Empire. Vous dites que c'est une catastrophe démographique sans précédent pour l'Europe du début du 19e siècle. Mais vous dites aussi, alors ça n'est pas pour compenser, pas du tout, que cet immense brassage, et c'est ce que vient de nous dire Marie-Pierre Rey à propos des Russes qui viennent à Paris, cet immense brassage a provoqué un profond bouleversement, mais là un bouleversement des idées, des codes, de la façon dont on envisageait l'autre, que ces soldats se sont rendus dans des pays dans lesquels ils ne seraient jamais aller et qu'ils ont ramené de ces expériences une autre vision des autres. Oui, c'est une manière brutale de faire l'Europe, mais je crois que des jeunes gens qui n'auraient pas eu la possibilité de voyager plus que, disons, 20 km de chez eux dans la vie, ont vu tout d'un coup un continent. Et ils ont rencontré des gens qui parlaient d'autres langues, qui venaient d'ailleurs. Beaucoup d'entre eux, beaucoup, c'est-à-dire un petit pourcentage, mais quand même beaucoup d'individus, se sont mariés, sont restés ailleurs. Après 1815, il y a pas mal de déplacements en Europe, d'un côté à l'autre. Je crois que ça a contribué à faire le continent d'une certaine manière. Et puis, il y a les idées des Lumières, de l'administration moderne, napoléonienne, qui n'ont pas été entièrement perdues après 1815. En Italie, par exemple, au nord de l'Italie, on les retient. Mais il y a peut-être un seul inconvénient, comme il insistait là-dessus lorsque nous l'avons rencontré, Luigi Mascelli Mirrorini, c'est qu'en fait, cette Europe, et on l'a dit depuis le début de cette émission, elle était d'origine française. Et qu'un des grands problèmes qu'a peut-être encore la France par rapport à cette Europe, c'est qu'elle voudrait qu'elle reste encore trop française aux yeux des autres Européens. Merci à vous, Alain de Forest. Je rappelle que vous êtes auteur de « Au service de l'Empereur », donc qui vient de paraître aux éditions Vendémiaire. Et puis Marie-Pierre Rey, vous êtes auteur, entre autres, ça vient de sortir, d'Un tsar à Paris, donc l'année où les Russes ont fait l'histoire de France, formidable année 1814 qu'il faut redécouvrir. Pour votre part, eh bien, Bénédicte Savoie, on ne peut que conseiller d'aller voir quand elle commencera, c'est-à-dire le 15 mai prochain, l'exposition que vous avez conçue sur les frères Humboldt à l'Observatoire de Paris. Donc, ça s'appelle « L'Europe de l'esprit » et ça dure jusqu'au 11 juillet prochain. Merci à vous, Bénédicte Savoie. Merci aussi aux studios de Berlin qui vous ont accueillis, ainsi qu'aux studios de Radio France à Avignon qui ont accueilli Alain de Forest. Merci à vous, Marie-Pierre Rey, d'avoir été avec nous. On termine bien évidemment avec la symphonie héroïque de Beethoven, donc cette symphonie héroïque dédiée à Bonaparte, qu'il n'a pas voulu ensuite laisser dédiée à Bonaparte. Il l'a changée, puisqu'il a changé l'adresse de sa symphonie héroïque, puisque ce Bonaparte était devenu empereur et qu'il rompait avec la vision de la Révolution française. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marcet. Vincent René était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, nous poursuivons et terminons cette semaine raccourcie de la Fabrique de l'Histoire autour de quelques aspects de l'histoire européenne en nous interrogeant sur l'Europe et la chrétienté au Moyen-Âge avec trois grands spécialistes de ce Moyen-Âge, Elisabeth Lucet, Jacques Dallarin et Michel Sault.